Plan A, c'est fuir. Plan B, bah, j'ai vu une base, je me suis dit go. Mais j'avais zéro stuff, zéro cerveau. Un petit saut, un coup d'œil discret. Et j'ai déclenché 12 tourelles cachées. J'ai crié ré tout basse, mes jambes ont prié. Mais mon slip s'est pris dans un piqué rouillé. J'ai rampé, transpiré, supplié le sol. Mais mon micro a capté mon oh non en troll. Plan A, fuir. J'suis une ombre dans la nuit, mais j'me tape les murs comme un chat en furie. Plan B, mourir stylé sur le bitume. Un dernier dab avant le costume. Y'avait un noob derrière moi, j'croyais l'avoir semé. Mais il a crié j'te fa avec un double pompe fumée. J'ai tenté le bluff, j'ai fait je suis gentil. Puis j'me suis pris un pruneau dans le nombril. Les viewers rient, j'me sens humilié. Mais mon swag, indestructible, validé. Car même en crevant j'fais le spectacle. Et Rider Skill reste intact dans la débâcle. Plan A, fuir. La tactique du ninja, mes versions claquettes tes pieds plats. Plan B, mourir, mais en rimant. Le stuff tombe, le style reste vivant. Dans Rust, y'a pas d'erreur, y'a que des clips. Plan A, fuir, j'me faufile sous les rails. Plan B, mourir, mais en faisant le bail. Plan A, loter, peut-être. Plan B, revive, jamais. Rider Skill vous salue. Plan A, fuir, j'suis une ombre dans la nuit. Mais j'me tape les murs comme un chat en furie. Plan B, mourir, stylé sur le bitume. Un dernier dab avant le costume.